J'ai mis des gouttes, j'fais des tueries, hein. Tous, on m'appelle le tombeur, elles tombent toutes. Pourquoi tu ris, jaune le couscous. Regarde tes dents, elles tombent toutes. Tu veux que j'déballe, balle, attends des calcales. Parce que si j't'envoie, tu vas me dire j'ai mal. Fini en garde, fini en bagarre. Si t'es un bonhomme, ça c'est normal, man. Des terres comme Climo dans l'emballage. On a le prix du Clio dans l'emballage. Tu fais ta crapule, regarde ta ganache. Ramène pas ta pute, elle a pas l'âge. Pour des histoires de cul, aujourd'hui ça t'arrache. T'as la tête dans le cul, décalage. Ça y est, ça parle plus, quand y'a gigalage. Ils en peuvent plus, ça me dit gigalage. L'affaire c'est des putes, toi t'es venu pour marquer des buts. T'es décisif, ils marquent plus. Il leur reste plus qu'à te sucer la bite. Mais reste fier, t'as tout compris. Au cas où tu sais où j'habite. Mais ne dis rien, t'as tout compris. Bientôt, on met le feu dans ta ville. Accompagné de 2-3 complices. On va la mettre à la putain de ta fille. Je vois les gens de mon quartier en mode jalousie. Laissez-moi tranquille les gars, je suis en mode jacuzzi. J'ai un R6 dans le gosier. Je vais pas rester gentil, je me suis cassé, c'est bon, sauf le Uzi, sauf le Uzi, sauf le Uzi, sauf le Uzi, sauf le Uzi, sauf le Uzi, sauf le Uzi, sauf le Uzi, sauf le Uzi, sauf le Uzi. Respect, renonce pas, tu vas s'y mettre, respect, reste on va s'y mettre, laisse-les, crois que ces mecs vont percer, je crois que je vais briser des ailes, vont le percer, je vais droit dans la lucarne. J'la mets dans l'avocat, Van Persie. J'mets trop dans la nuclear, t'excite. J'la mets dans l'avocat. Resterai, renonce pas devant ces mecs. Respect, reste là, on va s'y mettre. Laisse-les croire que ces mecs ils vont percer. J'crois que j'vais briser des ailes, Van Persie. J'mets trop dans la nuclear, t'excite. J'la mets dans l'avocat, Van Persie. J'mets trop dans la nuclear, t'excite. J'la mets dans l'avocat. J'vois les gens de mon quartier en mode jalousie. Laissez-moi tranquille, les gars, j'suis en mode jacuzzi. J'ai un R6 dans le gosier. Je vais pas rester gentil.